Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence Protestante pour ce 7e épisode de la mécanique des ondes. Le concept de l'émission, je vous le rappelle, c'est de donner la parole aux grands acteurs de la bande FM. Qui sont-ils? Comment ont-ils commencé la radio et quelle est leur vision du média? Aujourd'hui, je reçois Bruno Guillon, animateur de la matinale sur Fun Radio. Bonjour Bruno Guillon. Bonjour Cécile Rondeau-Arnaud. C'est-à-dire que vous êtes marié donc. Rondeau, nom de jeune fille, et Arnaud, nom d'épouse. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Annonce un nom à particules. Non, pas du tout. Bon, d'accord. Bonjour Cécile. Il sera plus simple. Ouais, exactement. Bruno Guillon, vous êtes au micro d'une radio associative. J'aimerais bien savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Oh là là, ça me rappelle tellement de souvenirs. Ça me rappelle le début, en fait. To begin at the beginning. Ça me rappelle mes débuts à l'âge de 12 ans et demi sur une radio locale qui s'appelait Angélie FM. En Charente-Maritime, à Saint-Jean-d'Angélie, où j'ai commencé à faire de la radio et très très jeune. En fait, on était avec des potes et on s'est dit, tiens, il y a une radio qui vient de s'ouvrir à Saint-Jean-d'Angélie, si on faisait une maquette et si on la donnait. Et donc, c'est ce qu'on a fait sur un vieux magnétocassette que m'avait offert ma marraine. On a enregistré des trucs en balançant des disques, enfin, on a fait un montage. Et je pense que même si on n'avait rien fait, ils nous auraient pris, parce qu'à l'époque, les radios associatives, elles avaient besoin de gens pour passer des disques et qu'on raconte n'importe quoi, elles nous prenaient. Donc voilà, ça a commencé comme ça, ouais. Et j'ai des souvenirs émus à chaque fois de cette période-là. C'était en quelle année ? C'était en 1983. D'accord, donc au moment libération des ondes. Exactement, ouais. C'est à l'époque où n'importe quel petit village avait sa radio locale. Et vous aviez quel âge ? Et j'avais 12 ans, 12 ans et demi. D'accord. Ouais. Et donc dans cette radio, vous avez continué en dehors de l'école, l'après-midi ? Alors en fait, on s'est retrouvé avec... j'habitais dans une cité, dans le sens provincial du mot cité. Hein, c'était un lotissement en fait. Et on était une dizaine de jeunes du même âge, quasiment entre 12 et 15 ans. Et je suis le seul à avoir continué. Ouais. C'est-à-dire que la première fois où j'ai fait ça, je me suis dit « putain, c'est génial ». Et voilà. Le virus était là. Et le virus était là, ouais. Je me suis dit « je vais en faire mon métier et j'ai de la chance, je touche du bois pour l'instant ». Pour l'instant, ça continue, ça va faire une trentaine d'années. Est-ce que tout ça décide de vos études, de ce que vous allez faire Ou alors vous n'en faites pas? Alors hélas, oui... En fait, donc j'étais plutôt un excellent élève quand j'étais jeune. J'adorais bosser à l'école. C'est très con ce que je veux dire, mais c'est vrai que j'étais très très bon élève jusqu'en troisième. Et en troisième, le virus de la radio a vraiment pris le pas sur mes études. Donc en fin de troisième, je me souviens, il y avait des réunions qui s'appelaient les réunions de l'ONICEP, qui étaient censées donner un visu sur ce qu'on voulait faire plus tard. C'était l'orientation, ouais. Exactement. Et moi, j'avais été voir la conseillère ONICEP et j'avais dit, voilà, je voudrais faire de la radio. Elle m'a dit, super. Et comme métier, tu veux faire quoi? Et là, je me suis dit, ok, donc va y avoir un problème. Et passé la troisième, donc j'ai passé mon brevet des collèges, j'ai une des meilleures notes de mon collège, etc. Donc, je suis arrivé en seconde. Et en seconde, j'ai commencé à beaucoup plus m'intéresser à la radio qu'à l'école. Et donc là, ça a été la spirale infernale. C'était la descente aux enfers. Ça a été un peu la descente aux enfers, ouais, au grand dam de mes parents, et ça m'a suivi, ouais. Et j'étais prédestiné à être professeur de SVT, c'était sciences naturelles à l'époque. Et en fait, l'année de ma terminale, 4 mois avant de passer mon bac, la radio locale sur laquelle je travaillais, qui était à Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime, m'a proposé un emploi salarié pour faire de la radio. Et Dieu sait qu'à l'époque, c'était très très dur d'être payé pour faire de la radio. Et donc, j'ai dit oui. J'ai dit oui, c'était au mois de février, donc je passais mon bac au mois de juin. Donc, j'ai dit oui à cette radio, mais j'ai pas dit à mes parents. Donc, pendant 3 mois, j'allais tous les jours faire de la radio. Mes parents étaient persuadés que je partais au lycée et en fait, j'allais faire de la radio. Et je rentrais tous les jours en récupérant. J'avais volé la clé de la boîte aux lettres, je me souviens, pour être le premier à récupérer les mots d'excuses. À l'époque, il n'y avait pas Internet et tout ça, donc il n'y avait pas de mail qui était envoyé. Et donc j'ai fait illusion pendant 3 mois. Et un jour je suis rentré chez mes parents. Et dans mon salon il y avait mes parents et le proviseur du lycée. Et là je me suis dit bon bah écoute là c'est fini. Là ça va poser problème, voilà. Donc pas de bac. Et non, je m'étais engagé à passer le bac en candidat libre, et franchement, non, c'était compliqué, bac scientifique, etc. J'ai dit, bon, allez, tant pis. Hein. Donc voilà, grave. Voilà, j'ai fait 100. D'accord. Mais je l'assume maintenant. Au début, je disais que j'avais le bac, et puis maintenant, je m'en fous, en fait. Oui, oui, à un moment, bon... Ouais, tant pis. La radio vous a un peu volé le bac, finalement. Exactement, ça serait bien qu'elle me le rende, maintenant. Donc ce premier emploi salarié, vous faisiez quoi? On était toujours un peu dans les débuts de la radio, donc je faisais animateur, commercial, technicien, producteur, standardiste, machine à café, photocopieur, voilà, je faisais à peu près 14 métiers en un seul. Fallait pouvoir tout faire en fait. Vous y êtes resté combien de temps? Alors, cette radio-là, j'y suis resté jusqu'à l'âge de 25 ans. Et en fait, pour tout te dire, en fait, quand j'ai commencé à faire de la radio, voilà, on commençait à capter des radios dites parisiennes à l'époque, et on commençait à capter une radio qui s'appelait Énergie. Et je me suis dit, putain, ça serait mon rêve d'aller bosser là-bas. Et quand mes parents se sont rendus compte que je séchais les cours pour faire de la radio, j'avais promis à ma mère que je serais animateur sur Énergie un jour. Donc à l'âge de 25 ans sur cette radio à Rochefort, je me suis dit, si tu restes ici, tu vas finir à animer des mariages et des opérations commerciales dans des supermarchés, et c'était pas trop l'avenir que j'imaginais. Donc à l'âge de 25 ans, je me suis dit, écoute, je vais me lancer. J'ai fait une super maquette que j'ai envoyée. Alors je me suis dit, je vais pas l'envoyer à Énergie, parce que si jamais je l'envoie à Énergie et qu'ils me refusent, je vais être déçu. Donc j'ai envoyé cette maquette à une radio qui s'appelle Vibration, qui était à Orléans, et ils m'ont pas répondu. Et donc je me suis dit, si eux me répondent pas, alors que c'est une radio régionale, je vois pas pourquoi une radio comme Énergie me répondrait. Et en désespoir de cause, j'ai refait une maquette, sauf qu'au lieu de faire une maquette avec que des moments super sympas, très propres, très clean, etc., j'ai compilé une maquette où il y avait que des plantades, en fait. C'était un rapport de police. Et j'ai envoyé ce CV à Énergie, et Énergie m'a rappelé en me disant, voilà, t'as un profil qui nous intéresse, par contre t'as pas le temps pour travailler sur une radio nationale, donc ce qu'on te propose, c'est peut-être de travailler sur Énergie Junior dans un premier temps, mais on va te rappeler d'ici une quinzaine de jours. Et deux jours après, je les ai rappelés en leur disant, écoutez, je dois aller voir une tante à Paris, donc si je pouvais venir visiter la radio, ça me ferait plaisir. J'ai pas du tout de tente à Paris, hein. C'était juste pour y aller, pour dire voilà, je bats le fer tant qu'il est chaud. Et c'est pour ça que quand je dis ouais, réussir en radio, c'est 20% de talent et 80% de chance. Le jour où je suis allé visiter Énergie, le gars qui faisait les nuits 7 jours sur 7, qui s'appelait Stéphane Gabart, venait d'annoncer le matin qu'il n'en pouvait plus, ce qui est normal, hein, travailler 7 jours sur 7 la nuit c'est compliqué, et qu'il voulait arrêter les nuits du week-end. Et donc quand je suis allé à Énergie, j'ai vu le coordinateur de l'époque qui s'appelait Olivier Cauchois. Et Olivier Cauchois m'a dit, écoute, soit tu attends et tu réimpostes à Énergie Junior, soit si tu veux, tu fais un essai tout de suite sur Énergie en ASIO ce week-end. Mais par contre, c'est un quitte ou double, soit ça marche, soit ça marche pas. Et donc j'ai dit, bah, je vais faire ça. J'étais obligé de démissionner de la radio où je bossais. J'avais pourtant un travail à temps plein pour signer un contrat de 2 jours avec Énergie. Et donc, c'était en octobre 96, et j'y suis resté jusqu'en 2008. Et donc, vous avez fait les animations de nuit, entre minuit et 6 heures, jusqu'en 98. Ouais, j'ai même commencé, j'ai fait les nuits au départ, et puis après, j'alternais avec aussi les matinales du week-end de mémoire. D'accord. Et ensuite, vous passez entre 9h et midi en 98. Exactement. Et donc, pourquoi ? Parce que ça se passait bien, parce qu'ils étaient contents de ce que je faisais, et que voilà, ils m'ont demandé de remplacer Éric Jean-Jean, qui est un mec que j'admire et que j'adore, qui est un de mes meilleurs potes aujourd'hui, même si j'ai pris sa place. Et à partir de 2001, vous passez à la matinale. Exactement. Et c'est jusqu'en 2008. Ouais. Donc depuis 2001, plus ou moins, vous faites des matinales. Depuis 2001, j'ai une vie de moine Shaolin. Ouais. Je me couche à 20h30 et je me réveille à 3h30 le matin. La matinale d'Énergie, vous travaillez avec Manu Payet, entre autres, Camille Combal, etc. Comment vous la constituez, cette équipe? Alors au début, très honnêtement, je ne la constitue pas, parce que quand on m'appelle en 2001, il y a déjà une équipe qui existe, qui est composée de gens tels que Henri Delorme, Philippe Lelièvre, Arnaud Lemort et Jonathan Lambert. Et il commence à faire l'émission avec Bruno Robles, qui faisait la matinale à l'époque. Et puis pour des raisons que j'ignore, ça matche pas avec Bruno. Et moi, entre-temps, j'avais fait un remplacement pendant une semaine. Et donc, voilà, il me demande de prendre sa place. Et je le vis pas bien, très honnêtement, parce que Bruno est un pote. Et donc, quand ils me le demandent, je leur dis, écoutez, je comprends quand Roberto Surléo, qui était le directeur des programmes à l'époque, me demande de remplacer Bruno. Je comprends que Bruno est pas au courant. Et je dis, voilà, je peux pas accepter. Enfin, si j'accepte, il y a une seule condition, c'est que vous prévenez Bruno, parce que sinon, je peux pas lui faire ce coup-là, quoi. Mmh. Et donc, ils l'ont prévenu, et du coup, après, j'ai accepté, parce que, bah, ça reste, quoi qu'il arrive, un truc de ouf quand on est animateur de radio. Et donc, voilà, je me suis retrouvé, ouais, à faire le morning sur cette mouture, et puis après, bah, l'émission a évolué. Jonathan Lambert a décidé d'arrêter. Moi, j'avais sympathisé beaucoup avec Manu Payette, qui dormait chez moi parce qu'il arrivait de la Réunion. Et lui faisait le soir, et donc j'ai commencé à dire à l'équipe, ah bah tiens, il y a un mec qui est top qui s'appelle Manus qui fait le soir sur Énergie, ça serait bien qu'il nous rejoigne. Et donc Manu nous a rejoint, et puis voilà, quoi. D'accord. Donc de fil en aiguille, l'émission a évolué, donc avec des gens que petit à petit je choisissais pour arriver à ce que je fais aujourd'hui, où j'ai vraiment choisi l'intégralité de mon équipe. Jusqu'en 2008, donc vous faites cette matinale sur Énergie. Ouais. Vous passez ensuite sur Virgin Radio, ouais. Mais avec Camille Combal, mais sur le 17h-20h. Ouais. Pourquoi changement de radio ? On vous appelle ? Alors oui, Virgin m'appelle. Il faut savoir qu'entre-temps, Énergie passe première radio de France. On fait des scores de ouf sur la matinale. On est premier morning de France haut la main. Et c'est angoissant, en fait. À vous, ça vous angoisse. Ouais, c'est angoissant d'être premier, parce que le seul risque quand on est au sommet, c'est de descendre. Et donc, j'ai l'impression de tourner en rond, parce que l'émission marche, et du coup, vu que ça marche, on me demande de toujours faire la même chose, et à un moment, j'ai envie de me mettre un peu en danger, et j'ai pas envie de faire l'année de trop. Donc, en 2008, j'ai Virgin, enfin, Lagardère qui m'appelle, c'est Didier Quillot, qui à l'époque est le patron d'Europe 1, Virgin, RFM, etc., qui m'appelle, et je me dis, c'est peut-être le moment de le faire. Moi, je suis à l'orée d'un changement dans ma vie, parce que je vais être papa. Donc Virgin Radio m'appelle, et je leur dis, écoutez, donc ils m'appellent, je sais pas, en février-mars, et je leur dis, écoutez, avec plaisir. Je dis, par contre, je pense qu'il va y avoir un problème, déjà un problème d'éthique. Je me vois pas quitter Énergie, qui est une radio avec qui tout s'est extrêmement bien passé jusqu'à maintenant. Je me vois pas leur faire un petit dans le dos en barrant pour tout de suite devenir leur concurrent direct sur une autre radio au même horaire. Et de deux, je pense qu'en plus, contractuellement, ce sera compliqué, et ils auraient raison de dénoncer le fait de faire le 6-9. Et donc, du coup, ils me disent, bah écoute, tant pis, tu viens quand même, on va se débrouiller. Donc, du coup, ils ont récupéré Coé, qui lui partait de Fun, qu'ils ont mis au morning de Virgin, en me disant, voilà, il fait un an, et après tu prendras sa place sur le 6-9. Donc on a fait un an avec Camille, et ça tombait très très bien de faire le 17-20 durant cette année-là, déjà parce que bah, c'était un horaire différent, c'était rigolo, et puis surtout parce que j'ai eu mon fils au mois de novembre, donc ça m'a permis de m'occuper de mon fils le matin, donc en fait c'était top. Une petite année de break hors matinale. Exactement, une année de break hors matinale. Mais alors bizarrement, ça n'a pas été plus reposant, parce que ouais, j'avais la tête dans le seau tout le temps. J'arrivais à très tôt en début d'après-midi, et je revenais plutôt tard, donc non, ça n'a pas été... Je préfère l'exercice que j'ai aujourd'hui, en fait. Pourquoi en 2011, vous partez à Fun Radio ? Alors, pour la petite histoire, on est en 2011, donc ça fait ma deuxième année de morning sur Virgin. La radio marche pas des masses, et pourtant j'y mets toute mon énergie, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que je me fais des journées de 4h30 du matin à 20h le soir... On essaye de trouver 1000 trucs, etc. Puis la radio fonctionne pas. Mais après, c'est pas tant à la matinale. Voilà, la radio avait un format qui était pas connu, qui correspondait pas. Et arrivant en 2011, je me dis, putain, mais si ça se trouve, en fait, c'est juste que les gens ont pas envie de t'écouter, quoi. Je me fais une crise sur moi-même. Je me dis peut-être qu'en fait, ça y est, t'as 40 piges et qu'il faut passer à autre chose. Mmh. Et donc, cette année-là, je me dis que je vais arrêter la radio. Voilà. Ah, quand même, ouais. L'idée vient dans votre tête. Je me dis que je vais faire un break, en fait. Et donc, je commence à m'enseigner pour aller habiter à Londres, parce que j'adore cette ville. Et j'étais sur l'écriture d'un scénar de film. Je me dis, comme j'avais pas le temps d'avancer dessus, etc., je me dis, voilà, je me prends une année, je pars à Londres parce que j'aime bien la ville, et pendant une année, je fais autre chose, et je reprendrai la radio après. Et puis, à ce moment-là, Jérôme Foucret m'appelle pour me proposer le morning de Fun. Alors là, l'appel du micro est plus fort. Ouais, bah oui, parce que Fun est une radio qui marche. Donc mon premier réflexe, ça a été d'appeler Manu Lévy. qui était à la matinale. Donc. Qui est à la matinale de Fun et qui est un de mes meilleurs potes. Donc du coup, j'ai appelé Manu tout de suite en lui disant « Écoute Manu, je sais pas dans quel délire t'es avec Fun Radio, mais sache qu'ils viennent de m'appeler pour prendre ta place l'année prochaine. » Et lui me dit « Écoute, il n'y a aucun souci, je viens d'être, pour ma part, contacté par Énergie, donc du coup, tout va bien. » Je fais « Bon, bah écoute, si tout va bien, dans ces cas-là, on fait comme ça, voilà. » Et du coup, je suis arrivé à Fun, et à Fun, j'ai retrouvé le plaisir de faire de la radio qui m'avait un peu quitté. Quatrième saison cette année. Ouais. Ça va, vous tenez ? Ouais, c'est génial. Bon. Ah ouais, non, c'est une seconde jeunesse, vraiment. C'est toujours compliqué de dire je fais la radio que j'ai envie de faire parce que toutes les périodes de ma vie ont été des périodes kiffantes, que ce soit en local, que ce soit Énergie où je me suis éclaté de ouf, que ce soit Virgin où aussi c'était top. Mais c'est vrai qu'à Fun, déjà le challenge était super compliqué parce que Manu avait fait des audiences de fou. En bénéficiant d'une concurrence qui était un peu moins rude, parce qu'en face à l'époque sur Énergie, il y avait Nikos que j'adore mais qui marchait pas des masses, il avait pas vraiment trouvé son public sur la matinale Énergie. Donc quand je suis arrivé à Fun, je me suis retrouvé avec Manu en face qui lui par contre est juste un des meilleurs sur le créneau et l'émission marche et on arrive à battre des records d'audience aujourd'hui et on a même réussi à atteindre les scores de Manu alors qu'en face la concurrence est encore plus rude. Donc c'est un côté motivant et puis j'ai vraiment une équipe de rêve quoi. Enfin nous je thésaurise beaucoup à l'antenne sur le côté famille de l'émission mais c'est vrai que voilà, j'ai du mal à pas mélanger et le côté perso et le côté boulot avec mon équipe et là aujourd'hui j'ai vraiment trouvé l'équipe dont j'ai toujours rêvé. Vous pensez que justement cette ambiance hors antenne ça se passe forcément se ressentir à l'antenne? Ouais, je suis persuadé parce qu'à un moment les gens qui font croire ça se sent, enfin à un moment ça se voit que c'est fake et au bout d'un moment l'auditeur s'en rend compte. Et donc voilà, notre vraie force aujourd'hui, la vraie force de mon équipe, c'est ça. Et c'est vrai que ouais, non, j'ai plaisir. Puis tu sais, c'est important parce que tu te lèves, ce que je disais, tu te lèves à 3h30 le matin. C'est compliqué. Mm-hmm. On va pas se mentir. Enfin moi, quand le réveil sonne à 3h30, les 5 premières minutes, j'ai l'impression de m'être fait agresser sexuellement par un sumo. Mais arrivé à 4h-20, je me dis putain, c'est génial, je vais faire de la radio. Mm-hmm. Et après, les gens que je vais voir, bah, c'est important d'être avec des gens avec qui tu t'entends parce que à 5h, tout est multiplié par 10, quoi. C'est-à-dire que si t'es de bonne humeur, bah, la bonne humeur est multipliée par 10, mais si t'as une tannée, ça peut être aussi multiplié par 10. Et donc, du coup, voilà, avec une équipe qui s'entend bien, c'est top. Cet été, vous avez fait la bonne touche sur RTL. Pour vous, est-ce que RTL, c'était plus ou moins un rêve ? C'est une institution, quand même. Alors, un rêve... Mon vrai rêve, en fait, vraiment, hein, mon rêve de gosse, c'était Moi, mon vrai rêve, ça a été le 4 octobre 96, quand je vous écoutais Énergie, il est minuit. Mon rêve, c'était ça, c'était d'être animateur sur Énergie. Après, je l'ai fait longtemps. Quand Jacques Expert m'a contacté pour remplacer Jean-Pierre Foucault pendant un mois, je me suis dit « Waouh !» Ouais, c'est un rêve de gosse, ça reste RTL, c'est la première radio de France, quoi. Ça vous a pas fait stresser ? Un peu. Un peu, mais après, voilà, j'avais pas un stress de économique, de me dire, putain, je joue tout sur la table, puisque que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, je savais que je récupérais Fun à la rentrée, donc j'avais pas ce stress bêtement pour manger, quoi, tu vois. Et puis, t'as l'impression de toucher du doigt la légende, quoi, tu vois. RTL, ouais. C'est pas anodin, quoi, tu vois, c'est... Quand on fait de l'antenne dans les studios d'RTL, ça doit faire quelque chose. Et quand on dit RTL, il est 11h et qu'on entend le pain, pain, pain, pain, on se dit, waouh. Voilà, là... Non, c'était une gifle, ouais, non, c'était une gifle. Et puis, non, c'était génial, c'était extraordinaire. J'ai passé un mois à magique. On va passer à la pause musicale. D'accord. Vous avez choisi quoi, Bruno Guillon ? J'ai choisi U2, Where the Streets Have No Name. D'accord, c'est sorti quand, ça ? C'est sorti au milieu des années 80. C'est sur l'album Joe Schwartzwee, et c'est ma musique anti-dépression. D'accord. C'est-à-dire quand j'ai un coup de mou, quand ça va pas, quand voilà, c'est une musique qui pour moi est synonyme d'aller en avant, de joie, de bonne humeur, de croire en soi, de aller on y va, on va tout bouffer. Ah, c'est super positif comme message. Exactement. Thank you. Toujours sur Fréquence Protestante dans la mécanique des ondes, vous venez d'écouter YouTube, c'était le choix de Bruno Guillon. Quel est le titre ? Where the streets have no name. Oui, d'accord. dans cette deuxième partie de la mécanique des ondes, on va un petit peu quitter la FM parce que vous êtes passé en télé, Bruno Guillon. Ouais. Et donc, vous avez commencé 5 ans après votre entrée à Énergie. Ouais. Alors c'est marrant parce qu'on dit que les gens qui font de la radio, bah, la télé c'est un peu, voilà, un peu antinomique de la radio. Pourtant vous, vous y allez. Oui, parce que enfin, la première vraie expérience, ça a été sur TF1, mais ça a été très très court. Mais après, c'était sur Comédie. Et moi, quand je suis arrivé sur Comédie, c'était vraiment, j'ai eu l'impression de revivre en fait la radio associative qui m'avait donné l'envie de la radio en fait. C'est-à-dire que Comédie, c'était une télé qui était, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. C'était, dis donc, on va faire ce sketch, machin, etc. Ouais. Puis on montait un décor, on trouvait 2 perruques, 1 paire de moustaches et voilà quoi. Tu vois, donc ça avait un côté ludique avec des gens un peu barré qui fait que ça m'a fait marrer, ouais. Ouais. Alors effectivement, vous êtes passé sur Comédie, Manu Lévy y est passé également, il ouais. a dit plus ou moins, du coup, dans une autre mécanique, il a dit plus ou moins la même chose. Mais que ouais, vous, ouais. C'était de la télé qui ressemblait à la radio locale, quoi, vraiment. Mais par contre, vous passiez à l'écran. Et je passais à l'écran, ouais, alors ça, écoute, ça a été, mais même encore aujourd'hui, hein, je me suis toujours dit, putain, j'ai pas un physique de télé, donc moi, à aucun moment de ma vie, mais vraiment, je me suis dit, je ferai de la télévision un jour. Et pourtant, vous en avez quand même fait pas mal. Et oui, et puis, force est de constater que je continue et que je vais continuer à en faire, parce que du coup, voilà, j'ai réussi à trouver dans la télé l'intérêt que je trouvais dans la radio. C'est-à-dire que voilà, maintenant, je m'amuse. Ça n'a pas été le cas tout le temps. En fait, j'ai beaucoup de mal à... J'ai très vite géré le micro et le stress par rapport au micro. J'ai eu beaucoup de mal à gérer la caméra et être naturel devant la caméra. Être naturel au micro, c'est compliqué aussi au début, quand on commence la radio. Mais j'y suis arrivé assez rapidement. Être naturel à la télé, ça a mis 1000 ans, quoi. C'est-à-dire que j'ai mis très très longtemps avant d'être vraiment qui je suis, quoi. Vous êtes passé donc sur plusieurs chaînes. là, j'ai un énorme pavé, donc faudrait que vous me racontiez, du coup, comment vous êtes passé d'une chaîne à l'autre. Mais ça s'est fait hyper bizarrement. La télé, voilà, c'est arrivé en même temps que le morning d'Énergie, en fait, où je me suis retrouvé avec une équipe de gens géniaux dirigée par un gars qui est aujourd'hui comme mon frère, qui s'appelle Henri Delorme, qui est un mec qui a cru en moi au début et que je remercierai jamais assez, qui a insisté pour que je fasse la matinale d'Énergie, et qui après à mon écriture m'a dit mais il faut que tu fasses de la télé. Lui bossait beaucoup à la télé, c'est un des meilleurs potes de Dominique Farrugia, et donc il m'a dit ouais, il faut que tu fasses de la télévision. Donc je me suis retrouvé comme auteur sur une émission de télé qui était présentée par Jean-Pierre Foucault, qui était un talk show qui s'appelait On vous aura prévenu, et l'émission a pas marché, mais du coup je me suis retrouvé à écrire dessus. Et à la deuxième émission, il y a un gars qui faisait un truc, c'était fallait faire garer une Ferrari, et si le candidat réussissait à garer la Ferrari, il gagnait la voiture. Et le mec qui avait fait le truc la semaine d'avant, ça s'était pas super bien passé, ils avaient dit il faudra mettre quelqu'un d'autre à la place. Et donc moi j'étais censé être auteur, et un matin, il y a Henri Delorme, justement le fameux, l'homme aux cheveux gris je l'appelle, qui rentre dans mon bureau avec Gérard Louvain qui produisait l'émission, en disant écoute, c'est toi qui vas faire ce jeu à partir de sur l'enregistrement de la prochaine. Et là tu dis, mais vous êtes sûr, parce que la personne ne fait pas de télévision, je ne sais pas comment c'est-il. Et donc voilà, et je me suis retrouvé comme ça. Bon, l'émission a pas tourné, mais après eux bossaient sur Comédie, m'ont dit viens sur Comédie. Donc sur Comédie j'ai commencé à faire des conneries, des parodies, machin, etc. Et puis de fil en aiguille on rencontre des gens. Voilà, une des autres rencontres importantes de ma vie, ça a été Dominique Farrugia, qui est un peu comme un père spirituel pour moi, parce que j'étais fan, je suis toujours fan des nuls. Et donc voilà, et puis après Dominique m'a pris sous son aile, m'a fait faire d'autres trucs avec Manu et tout ça, enfin je me suis retrouvé dedans complètement par hasard, en fait, vraiment. Ma raison de vivre, ce sera la radio, vraiment, c'est-à-dire que je me vois pas sans faire de radio. Mais la télé commence à prendre une importance qu'elle avait peut-être pas à l'époque, mais en tout cas je le fais avec plus de détachement que la radio. Oui, vous comptez moins sur la télé que sur la radio. Exactement. Hello mon Bruns, oui, parce qu'on l'appelle Bruns hein, dans le métier. On se connaît un petit peu parce qu'on se croise, on se décroise depuis de longues années. Tu as travaillé avec ton fidèle Florian Gazan, avec qui j'ai travaillé également. Et j'avais une question à te poser. T'en as pas marre depuis toutes ces années de te lever à des heures pas possibles le matin? Ça fait maintenant, je pense, 10, 15, 20 ans que tu fais des matinales. Est-ce qu'à un moment, c'est pas un petit peu usant? Parce que moi, au bout de 5 ans, j'ai dit que c'était plus pour moi. Merci de ta réponse. Oui, oui, c'est Thomas Joubert qui vous pose une Thomas question. Thomas Joubert. Non, j'adore ça. J'adore ça. C'est voilà, il y a des gens le matin qui ont besoin d'un jus d'orange. Moi, j'ai besoin d'un micro. Et voilà. Et j'ai la chance de faire mon métier par passion. Et donc, quand je me lève le matin, je me dis pas que je vais bosser. Je me dis putain, je vais m'amuser. Donc non, j'en ai pas marre, vraiment. Bruno Guillon, quelle radio vous réveille le matin? RTL. Quelle radio vous endort le soir? J'écoute pas trop la radio le soir. J'ai écouté de la musique. Je vais regarder un peu la télé ou je vais bouquiner, j'adore lire, mais non, je suis pas trop radio le soir. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? La salle de bain. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Les toilettes. Comme tout le monde, non? Non, il y en a certains où non, c'était pas ça, mais je trouve ça évident en fait. Manu Lévy, par exemple, il écoute. Et s'il a une émission vraiment qu'il adore, il écoute dans les toilettes. Non, alors non, j'ai pas de radio dans les toilettes. Si, mais à Fun, par contre, on écoute Fun Radio dans les toilettes. On sait jamais s'il y a un blanc antenne. Exactement. Voilà. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un à retenir. Je peux pas dire qu'il y en ait qu'un. Il y en a un milliard. Il faut en choisir un. En choisir un. Je dirais voilà, ouais, ma première intervention sur Énergie. Votre première prise d'antenne? Ouais, parce que ça avait un côté touchant, parce que c'était tout un symbole, vraiment. Un pire souvenir de radio? Pire souvenir de radio. À part le moment où vous êtes endormi à l'antenne. Non, alors j'en ai un autre. Je suis assez. Les gens qui me connaissent bien le savent. Ouais. J'ai du mal avec l'autorité. Quand on me dit et qu'on me répète pendant une semaine, il faut pas faire ça. Systématiquement, j'ai envie de le faire. Et je me retrouve à avoir une interview exclusive de Bruce Willis pour la sortie de je ne sais plus quel film en direct sur Énergie. Et pendant une semaine, son staff américain me saoule en me disant il ne faut surtout pas lui parler de son engagement en faveur de George Bush pour les élections présidentielles. Et on me le répète, mais je te jure, 10 fois par jour pendant 5 jours, tous les jours. Des fax, des mails qui viennent des États-Unis. Et ça me saoule tellement que j'accueille Bruce Willis et je lui dis voilà, bon, ma première question, pourquoi vous avez soutenu George Bush? Et le mec s'est fermé comme une huître. Et pendant une heure en direct, il répondait à mes questions que par oui ou par non. Ouais, là, le pire du pire en radio, c'est ça. Hein, et alors, heureusement, j'avais eu le nez creux sur ce coup-là. J'avais fait venir sa voix française, qui est un mec génial. Et du coup, j'ai fait l'émission avec sa voix française. Et pour finir, un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio alors qu'il ait commencé des études ou pas du tout. Ouais. Alors moi, j'ai un leitmotiv qui me suit depuis que j'ai 13 ans. Donc, je le dis toujours aujourd'hui. Alors, il y a des gens qui pourraient te citer des super citations de Kant ou de autre. Voilà, par exemple. Et ben moi, c'est une citation de Jean-Claude Duss de Paris, alias Michel Blanc dans Les Bronzés. Mais en plus, c'est vrai, et les gens qui m'ont connu à Énergie à l'époque pourront en témoigner encore aujourd'hui. Ma phrase, c'est « Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. » Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et ça marche. Ah, j'aime beaucoup cette fin. J'aime beaucoup cette fin parce que Jean-Claude Duss, quand même, est inspirant. Ah, bien sûr, c'est une vraie notion de philosophie. En se rendant compte, quand même, qu'aujourd'hui, quand t'as 43 ans, et moi qui suis entouré maintenant d'une équipe qui a une moyenne d'âge de 20-25 piges, les références aux bronzés, hein, ça leur passe au-dessus de la tête, mais très très loin. Merci beaucoup, Bruno Guillon, pour cette émission. Je pense Merci que à toi. Vous avez bien tout raconté. J'espère que c'était pas trop chiant à écouter, mais je parle rarement de moi, donc ça m'a fait plaisir. C'était un peu une séance de psy. On se revoit dans 10 ans. D'accord, le rendez-vous est pris, il n'y a aucun souci, hein. Moi je suis disponible, je suis là, j'accueille donc tous les acteurs de la bande FM à venir se confier ici, s'ils ont des problèmes, tout ça, c'est juste le problème, c'est que ça sera diffusé après. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Bruno Guillon, on vous retrouve tous les matins entre 6h et 9h sur Fun Radio, vous avez le droit de l'écouter parce que Fréquence Protestante n'aimait pas. tous les portraits sont à retrouver sur le www.lamecaniquedesondes.com et pour écouter également www.fréquenceprotestante.com. Au revoir. Au revoir.